en présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 14e épisode. Jeudi 26 juin. J'entre dans la salle d'attente. J'ôte mon imperméable, je le range dans l'armoire métallique et j'enfile ma blouse. La pendule assiette indique 10h45. Je range les journaux sur la table basse. Il y avait beaucoup de monde. Je crois que je n'ai jamais vu un enterrement comme celui-là dans le canton. Quel malheur, vraiment, de mourir à cet âge. Et dans quelle souffrance. Presque 2 mois de coma. Ça me fait vraiment de la peine. Moi, je ne le connaissais pas, le docteur Boulle. Je n'avais jamais été sa patiente, mais certains de nos amis et plusieurs collègues de mon mari, qui habitent à Demont ou à Marquet, étaient ses clients. Ça les a vraiment choqués. Et je me mets à leur place. Si tu mourais comme ça brutalement, pour moi, ce serait même pire. Enfin, je remets les jouets en place dans le coin enfant. Aujourd'hui, tu es venu aux obsèques. Tu avais l'air très triste. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est de voir la fille du docteur Boulle. Perdre son papa comme ça à 17 ans, ça doit être affreux. Il y avait tellement de monde. On avait le sentiment que tout le canton était venu. Moi, je n'y suis pas allée, je ne le connaissais pas assez. Mais le mois dernier, à 2 reprises, j'ai accompagné ma sœur chez les prématurés. Son petit-fils est né à 8 mois et ils l'ont gardé 15 jours en couveuse. Les 2 services sont voisins, le couloir est commun et la chambre du docteur Boulle était au milieu. La dernière fois, quand nous sommes arrivés, il y avait là une dame et un petit garçon de 8 ou 9 ans qui le regardaient à travers la vitre. Quand je suis repartie, au bout d'une demi-heure, ils étaient encore là. Je parlais avec ma nièce, j'ai vu Madame Boulle et sa fille entrer à l'autre bout du couloir et se diriger vers la chambre. En les voyant, la dame a pris son petit garçon par la main et elle est passée devant nous en sortant. Elle pleurait beaucoup. Je ramasse tous les livres éparpillés et je les pose sur les étagères. Je les ai revus aujourd'hui, elle et son petit garçon. Ils attendaient au cimetière. Quand le cercueil est entré, ils sont restés un peu à l'écart. Le docteur Boulle était très aimé, il avait beaucoup de patients. Mais ces temps-ci, plusieurs personnes disaient que juste avant son accident, il était énervé, irritable, il avait l'air fatigué. C'est sûrement pour ça qu'il s'est endormi au volant. Si seulement il avait mis sa ceinture... Bonjour, Madame Leblanc. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, docteur. Vous êtes encore un peu sous le choc. J'ai déjà fait 1 consultation et 2 visites. Et j'en ai 1/3 et plusieurs rendez-vous ce soir. Oui, il y a du travail cette semaine. Je passe le chiffon à poussière sur les meubles. Maintenant qu'il est mort, il est question que sa remplaçante prenne sa suite. Moi, j'y regarderai à 2 fois. Le docteur Boulle n'aurait sûrement pas voulu laisser sa clientèle à un médecin qui ne plaise pas à ses patients. Elle le remplaçait déjà depuis quelques mois. Tant que c'était un jour par-ci, une semaine par-là, ça pouvait encore passer. Mais là... Parfois, on ne sait pas comment sont vraiment les gens tant qu'on ne les a pas fréquentés tous les jours. Alors, quand tu m'as parlé d'ouvrir le jeudi, de prendre un remplaçant, une femme éventuellement, j'ai eu peur qu'il ne s'agisse d'elle. Mais tu m'as dit sûrement pas. Et comme je sais qu'elle avait vu Monsieur Guillou un jour où tu étais absent, j'ai compris qu'elle n'avait pas dû faire exactement ce qu'il fallait. C'est pareil. Ça aussi, ça me brise le cœur. Monsieur Guillou, ça fait plusieurs mois qu'il a été opéré, qu'il ne va pas bien et qu'il ne se lève plus. Mais il est toujours en vie. Quel calvaire, pour lui et pour sa femme. Je balaie la salle d'attente. À travers la cloison, j'entends le téléphone qui sonne, puis la voix du docteur Boaggio. Ça fait presque 3 mois qu'il vient te remplacer tous les jeudis et pendant tes vacances. La première fois qu'il est venu visiter le cabinet, ça m'a surprise. Il est plus grand que toi. Mais il est très très gentil. Il parle et rit si fort parfois qu'on l'entend de la rue. Évidemment, au début, les gens me demandaient qui c'était. Un docteur noir appelait, ça leur faisait drôle. Mais je leur ai expliqué que ce n'était pas un débutant, qu'il a presque ton âge, qu'il exerce déjà depuis longtemps à l'hôpital, dans le service de pédiatrie. Mais un jour, il en a eu assez d'être enfermé entre quatre murs et il a voulu travailler à la campagne. Alors en attendant de se trouver une clientèle, il fait des remplacements. Quand ça s'est su qu'il était pédiatre, beaucoup de patients lui ont amené leurs enfants. Et le jeudi soir, les rendez-vous sont tout le temps pris, parfois 15 jours à l'avance. Cela dit, il travaille aussi beaucoup dans la journée. Il faut dire qu'il est très agréable, très drôle, très rassurant avec les personnes âgées. Et puis, tout le monde sent que toi et lui, vous vous entendez bien, que vous parlez des patients, que vous faites équipe, en quelque sorte. Bon, il ne plaît pas à tout le monde, mais c'est toujours comme ça. Madame Renard a un peu peur de lui, paraît-il, mais Monsieur Renard l'aime bien. Et quand on lui demande de passer, elle trouve toujours une excuse pour sortir faire ses courses. Alors ils sont tranquilles pour discuter. Je suis sûre que lorsqu'il sera installé, il se fera très vite une clientèle. Mais j'espère qu'on va le garder quelque temps avec nous. On ne pouvait pas mieux tomber. Cabinet médical. Ah, bonjour docteur. Oui, oui, il est là, je vous le passe. Docteur, c'est le docteur Sachs. Je le prends, merci. Salut Edmond, comment ça se passe? Pas mal du tout. Le boulot te manque? Ah non, pas vraiment, mais je voulais m'assurer que ça allait. Avec une perle comme Madame Leblanc, ça ne peut pas mal aller. Je crois qu'elle t'apprécie aussi. Tu penses à ce que je t'ai proposé l'autre jour? J'y pense. Et j'ai commencé à lire ce que tu m'as donné. Et on en reparlera dimanche quand je te ferai les transmissions. Ok. Personne n'est mort. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que c'est un peu stupide. Je ne sais pas si c'est un effet de mon imagination, mais j'ai le sentiment que c'est toujours en mon absence que mes patients meurent. Surtout le jeudi. Enfin, j'ai cru remarquer ça. Moi, quand je vais constater un décès, c'est toujours le patient de quelqu'un d'autre. Mais c'est stupide, bien sûr. Les gens ne choisissent pas leur jour pour mourir. Eh bien, Monsieur Guillot est mort ce matin. Très tranquillement, avec toute la morphine qu'il lui fallait. Ah. La semaine dernière, il bricolait encore. Il faisait un bateau dans une bouteille. Depuis lundi, il ne se levait plus. Il restait recroquevillé dans son lit, l'oreille collée à la radio. Sa femme lui faisait boire sa morphine à petites gorgées. Elle était étonnée qu'il ne souffre pas. Elle était persuadée qu'un cancéreux, ça doit souffrir, que rien ne les calme. Ah, même elle. Je sors du bureau. J'apprends à Madame Leblanc le décès de Monsieur Guillou ce matin vers 6 heures. Elle hoche la tête d'un air attristé. Je consulte le cahier de rendez-vous et retourne dans le bureau. Le petit carnet noir de Bruno est posé sur le plateau de bois, près du dossier cartonné qu'il m'a confié en partant. À la page du jour, j'inscris les actes de ce matin. Monsieur Guillou, visite. Madame Radiguet, visite. La petite Aube Laurence, consultation. Je feuillette en arrière jusqu'à ma première journée ici. Monsieur Guillou, déjà. Monsieur V, un homme petit, pas vieux, mais mal soigné, la bouche pleine de chicots, marchant ambulant si je me souviens bien. Il a fait une drôle de tête quand il m'a vu. Il a eu du mal à m'expliquer ce qu'il voulait. Il venait se faire examiner le sexe. Il avait peur qu'il soit trop court. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hésité, puis j'ai répondu sans rire. Mon père disait: la sagaie vaut toujours moins que le guerrier. Albertine E. Elle m'appelait pour sa mère, mais elle avait une petite chose qui la gênait. Elle a tergiversé pour ôter sa chemise, mais ça devait lui faire trop mal pour qu'elle attende. Un monstrueux zona surinfecté lui recouvrait le sein gauche. Mahmoud, Mardouk, Yasmina et Tassadi Bey, avec leurs parents. Le père m'a dit en partant, « C'est bien que le docteur ne soit plus seul. Ces derniers temps, il avait l'air fatigué. » Jean-Paul M. Il a mené son oncle, le frère de son père, un monsieur trisomique qui avait une bronchite. Ils vivent tous les trois dans la même grande maison. En réalité, le père est stérile et Jean-Paul est le fils de son oncle. La mère est morte quand il avait 10 ou 12 ans. Un jour, à la suite d'un accident, il a fallu le transfuser et c'est son oncle qui lui a donné du sang. Ils ont tous les deux un groupe très rare, c'est ce jour-là qu'il a compris. Il fait des études à la Madame faculté Elisabeth de N. C'est toujours lui qui se consultation de contrôle de sa prothèse aortique. Quand elle a été opérée, son mari n'a pas pu dormir pendant 3 mois. Toute la nuit, il entendait la valve cliquer. Monsieur Michel L. Suivi de son papa. Je passe l'aspirateur. La porte de la salle d'attente s'ouvre, le facteur apparaît, m'aperçoit, me tend le courrier, ressort. Je pose le paquet sur mon bureau et je finis de passer l'aspirateur. Je range l'aspirateur dans le placard, je prends le courrier, je défais l'élastique, j'ôte les revues, les publicités, je mets de côté une lettre personnelle pour toi, une autre pour le docteur Boigio et les enveloppes venues du laboratoire. Et ça me fait penser au papier d'assurance que tu devais remettre au docteur Boulle la veille de son accident et que nous avons gardé depuis. À plusieurs reprises, je t'ai rappelé que tu n'avais pas déposé l'enveloppe et je t'ai même proposé de le faire. J'avais un peu peur qu'on oublie ou qu'on l'égare. Ça arrive parfois avec des lettres de spécialistes. Tu les mets par erreur dans le mauvais dossier et 3 semaines après, quand tu n'arrives pas à remettre la main dessus, je suis obligée de fouiller toutes les boîtes pour les retrouver. Mais tu as répété que tu irais le porter toi-même. Alors j'ai fini par le glisser dans le cahier de rendez-vous parce que là au moins, il ne peut pas se perdre et on y pense en le voyant. Évidemment, ces jours-ci, depuis qu'on a appris le décès du docteur Boulle, moi je n'y ai pas trop fait attention. Mais là, tout de même, il va bien falloir aller le remettre à sa... Je cherche des yeux le carnet des rendez-vous. Je l'ouvre, l'enveloppe n'est plus là. Et brusquement, je te revois, au cimetière. Pendant que tout le monde défilait pour jeter une poignée de terre sur le cercueil du docteur Boulle, je te vois, debout près de la dame contre laquelle se sert un petit garçon de 8 ans. Tu lui prends la main un long moment sans rien dire, puis tu sors l'enveloppe de ta poche, tu la lui donnes, elle lit le papier, elle hoche la tête, elle te regarde, et enfin elle s'éloigne, hagarde, serrant son petit garçon, le papier froissé à la main, comme cette femme dans je ne sais plus quel film, à la fin d'une histoire d'amour. Monsieur... Guénaud René. Bonjour, monsieur... Docteur. Que puis-je faire pour vous? Ben, c'est pour ma prothrombine, comme tous les mois. Le docteur Sachs n'est pas là, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, je le remplace toute la semaine. Ça a baissé depuis la dernière fois, hein? Ah oui? Voyons. 33%. La dernière fois, vous aviez 37. Oui, c'est un peu plus bas. Bon. Ben, va peut-être falloir que vous me consultiez. Je me déshabille. S'il vous plaît. J'enlève aussi mes chaussettes. Je vous en prie. Je m'allonge. Il s'allonge. J'approche une chaise du lit bas. Je l'examine des pieds à la tête, en commençant par prendre la tension... Et en la reprenant à la fin. Vous l'avez déjà prise. Je sais. Mais il arrive qu'elle soit plus basse en fin de consultation. Surtout quand on n'a pas l'habitude du médecin. Ah ben, c'est vrai que des comme vous... Enfin, je veux dire... Je comprends très bien. Mais si le docteur Sachs nous confie à vous, c'est que vous devez être un bon docteur, vous aussi. J'essaye. 13,8. Ah. Comme la dernière fois. C'est bien, hein? Vous allez pouvoir vous rhabiller. Faudrait-il pas que je me pèse? Oui, si vous voulez. J'ai perdu ? Non, ça n'a pas bougé depuis l'autre fois. Je me rhabille. Je vous en prie. Pour la prise de sang, vous n'oubliez pas de marquer à domicile, hein, parce que sinon on n'est pas remboursé. C'est un bon docteur, le docteur Sachs. Hein. Vous allez prendre sa place ? Non, sûrement pas. Je vais le remplacer le jeudi et pendant ses vacances. Et je serai peut-être amené à travailler avec lui un peu plus dans l'avenir. Ah, c'est bien. Voilà. Merci. C'est vrai qu'il a beaucoup de travail maintenant. Quand ma femme l'a appelé, le jour où je suis tombé malade, il y en avait moins. Mais aujourd'hui encore, il continue à prendre le temps de nous ausculter. Comme vous. Moi, quand je sors de là, ça me gêne un peu, alors qu'il y a du monde qui attend derrière. Alors, si vous venez travailler avec lui, c'est ça, hein ? Oui. Ben, je me dis que ce sera bien pour lui et aussi pour les clients. Oh, je suis sûr que vous vous habituerez bien. Le père Renard m'a dit que vous aviez un oncle qui était rebouteux. C'est ça, hein ? En quelque sorte. Alors, c'est de famille. Son père était accoucheur, je crois. Enfin... Ça me rassure que vous preniez pas sa place, parce que j'ai rien contre vous, au contraire. Hein. Mais que Dr Sachs, vous comprenez. Ah, heureusement que ma femme l'a appelé quand moi ça allait pas. Hein. Parce qu'ils me l'ont dit à l'hôpital. S'ils ne m'avaient pas fait soigner, j'y serais resté. Alors que là, je m'en suis tiré à bon compte. Et dame, s'il continue, enfin, si vous continuez à bien me soigner tous les deux, bah, je peux durer encore un bon bout de temps. Ça me soulage de savoir que le docteur Sachs ne sera plus tout seul. Parce que les gens causent, vous savez. Au début, il disait, il doit pas avoir beaucoup de clients, on n'attend jamais longtemps chez lui. Quand on l'appelle, il vient toujours. Alors, il refuse jamais personne. Alors que ça serait pas étonnant qu'un jour, il s'en aille. Et même maintenant, j'entends toujours dire la même chose. Et bien sûr, tout ça, c'est des racontards, hein. Ah oui. Est-ce qu'il serait donné la peine de s'installer par ici si c'était pour partir du jour au lendemain, hein? Je repense à ta proposition. Je me vois vissant ma plaque à côté de la tienne. Et je me remémore l'un des textes que je viens de lire et dans lequel tu écris à peu près ceci. La médecine est une maladie qui frappe tous les médecins de manière inégale. Certains en tirent des bénéfices durables. D'autres décident un jour de rendre leur blouse parce que c'est la seule possibilité de guérir au prix de quelques cicatrices. Qu'on le veuille ou non, on est toujours médecin, mais on n'est pas tenu de le faire payer aux autres. Et on n'est pas non plus obligé d'en crever. En passant à vélo devant le cabinet médical, je regarde ma montre. 12:10. Il y a une autre voiture dans la cour. Mais ce n'est pas la sienne. Il n'est pas là. Par la fenêtre de la salle d'attente, je vois Madame Leblanc sortir du bureau. Elle a remis son imperméable et elle va sortir. Je continue mon chemin. Et puis je me dis que c'est trop bête. Ça fait des semaines que j'aurais dû retourner le voir. Il faut pourtant bien que je lui dise. La fois d'avant, ça s'est vraiment terminé en queue de poisson. Oh, quand je pense que je n'ai même pas eu le temps de... Et brusquement, je me décide. Je mets pied à terre pour laisser passer la voiture qui vient en face. Je traverse la route devant le lotissement et je retourne vers le cabinet en poussant mon vélo. Y a pas, il faut que j'y aille. La dernière fois, ça m'a surprise qu'on soit interrompu comme ça. Et puis, le temps a passé et j'avais autre chose en tête, mais au bout d'un moment, j'ai eu honte quand même. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Oh, je ne sais pas ce qu'il a pu penser de moi, mais maintenant, ça me gêne. Et en même temps, j'ai pas osé repasser. Mais maintenant, je n'endors plus. Il faut que j'y retourne. Puisque Madame Leblanc est encore là. Comme ça, ça sera fait. J'entre dans la cour, je pose mon vélo contre le mur, je prends mon porte-monnaie dans le panier sur le porte-bagages et j'entre. Je pousse la porte de la salle d'attente Madame Le docteur Sachs n'est pas là? Non, il est absent pour la semaine. Je le remplace. Puis-je vous être utile? C'est-à-dire j'aurais voulu lui dire... Mais vous êtes docteur, vous aussi? Oui, bien sûr. Puis-je vous aider? Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Voilà. C'est parce que... l'autre jour, quand je suis venue voir le docteur Sachs, j'avais eu du mal, vous savez. J'arrivais pas à me décider parce que ça faisait 6 mois que ça durait et chaque fois que je voulais venir, soit je connaissais pas les heures, soit il y avait beaucoup trop de monde avant moi. Bon, bref, quand j'ai réussi à le voir, ça s'est terminé un peu brutalement parce qu'il a eu une urgence. Un jeune qui faisait des convulsions. C'est pas le docteur qui me l'a dit, hein, mais c'était quelqu'un du lotissement, route de Lavigné, et vous savez ce que c'est. Dans les petites communes, on cause. Alors forcément, hein, même si les convulsions ça tue pas, il faut quand même y aller. Alors on s'est quitté un peu précipité. Mais finalement, je suis bien contente de tomber sur vous. Je croyais que Madame Leblanc était encore là, mais j'aurais pas su trop quoi lui dire. C'est un peu trop personnel. Alors que vous, c'est pas pareil, hein, vous êtes docteur. Je peux bien vous le dire à vous. Et vous lui expliquerez si ça vous fait rien. Pourrez-vous lui dire que Madame Guérin est passée, que depuis que je l'ai vue, ça va beaucoup mieux. Ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis pas rendu compte en partant. Et le docteur était si pressé que j'y ai pas pensé. Et puis l'autre jour, brusquement, je me suis dit ce n'est pas possible. Je serais gênée de raconter cela à Madame Leblanc, alors que vous. Je sais que ça restera entre nous. Vous lui expliquerez quand il reviendra. Hein? Bien sûr. Voilà, surtout, dites-lui. Dites-lui que ça va nettement mieux depuis que je l'ai vu. J'ai vraiment bien fait de venir, mais... mais du coup, j'ai honte. Quand je pense au bien que ça m'a fait, dans l'affolement, ça m'est sorti de l'esprit. Pour une fois que je vois un médecin, c'est bien ma veine. J'ai complètement oublié de lui payer la consultation. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. C'était La maladie de Sachs, de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. 14e épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Sachs. Et parce que j'ai Flora Brunier. Tadi Etuené. Jean-Michel Mollet. Clotilde Morgiève. Bruitage Bertrand Amiel. Musique originale Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zang. Parce que j'ai bientôt 80 ans et je veux mourir chez moi. La maladie de Sachs est publiée aux éditions POL et aux livres de poche.